travers un cadre de vitres brisées. Ta brume a parcouru les pièces. Ton armoire moisie, tes tissus tissés, secoués sans pitié. Ma frêle frégate. À tes 24 ans, tu vainquais les ordres de Xerxes. Sa flotte à Salamine, naufragé dans léger, je me suis noyé dans des eaux désespérément claires. Marchand m'a capturé sur la plage. Combien j'ai espéré l'impitoyable de tes phalanges. Mais toi, recluse dans le Péloponnèse, tu fêtais mes égarements dans une orgie. Esclave de maître plus serein, j'ai fui vers les dunes brûlantes du Sahara pour enlacer tes formes dans le sable. Ni l'union ni la mort n'ont prolongé ta beauté. Les souvenirs me rongeront lentement. Indésirable est cet espace sans abîme. Je serai une bête qui, sans se reproduire, s'éteint. À tes 24 ans, tu vainquais les ordres de Xerxes et sa flotte à Salamine. Naufragé dans je me suis noyé dans des eaux désespérément claires.